بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، louange à Allah, que ses éloges et le salut soient sur son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons et ceux qui les suivront dans la bienfaisance jusqu'au jour dernier. Ceci dit, nous abordons aujourd'hui, Inch'Allah, la huitième règle ou principe relatif à la droiture et l'istiqama. Et ce sera l'occasion, Inch'Allah, de clôturer cette série de brefs rappels concernant ce sujet très important. La huitième règle, le huitième principe, c'est de savoir que la conséquence de la droiture, à l'istiqama, dans ce bas monde, c'est la droiture sur As-Sirat, le jour de la résurrection. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dresser au-dessus de l'enfer un pont appelé As-Sirat. Et c'est celui qui est visé dans cette huitième règle ou principe. As-Sirat a certaines caractéristiques qui lui sont propres. Notamment le fait qu'il soit plus aiguisé qu'un sabre et plus fin qu'un cheveu. Et que de part et d'autre de Sirat, il y ait des crochets qui happent ceux qui y circulent. Donc c'est un pont particulier, plus aiguisé qu'un sabre et plus fin qu'un cheveu. De part et d'autre de Sirat, il y a des crochets qui happent ceux qui y circulent. Personne ne peut dire comment ça, un pont qui serait plus aiguisé qu'un sabre et plus fin qu'un cheveu. Alors il faut savoir que les événements qui vont se passer dans l'au-delà ne peuvent pas être comparés à ceux qui se passent dans la vie d'ici-bas, étant donné que les choses sont complètement différentes et nous ne pouvons pas nous les figurer. Allah subhanahu wa ta'ala a fait allusion à As-Sirat dans son noble livre, dans Surat Maryam, lorsqu'il a dit وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقَضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Il n'en est pas un parmi vous qui n'y passera pas, c'est-à-dire par l'enfer. Pour ton Seigneur, il s'agit là d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous en sauverons ceux qui étaient pieux et ils laisseront les injustes agenouillés. Les savants ont expliqué que le passage que chacun va faire par l'enfer, c'est le passage sur As-Sirat. Et il faut savoir que le passage de chacun différera de celui des autres. Ainsi, il y aura des personnes qui circuleront sur As-Sirat plus rapidement que d'autres. Et certains, et qu'Allah nous en préserve, seront entraînés en enfer. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans Madarij al-Salikin, et nous lisons la traduction qu'a faite le frère Mahdi Abu Abdelrahman de ce passage de la parole d'Ibn al-Qayyim, qui a dit « Celui donc qui est guidé dans ce bas-monde vers le droit chemin d'Allah, avec lequel il a envoyé ses messagers et révélé ses livres, sera guidé là-bas, c'est-à-dire donc dans l'au-delà, vers le chemin droit qui amène en son paradis et à la demeure de sa récompense. En fonction de l'affermissement du pied du serviteur sur ce chemin qu'Allah a érigé pour ses serviteurs dans ce monde, sera l'affermissement de son pied sur le chemin érigé au-dessus de l'enfer. Donc le chemin, c'est As-Sirat. Et en fonction de son avancement sur ce chemin-ci, donc dans la vie d'ici-bas, sera son avancement sur ce chemin-là, c'est-à-dire dans l'au-delà. Certains y passeront comme l'éclair. Et donc ça rejoint le fait qu'on a dit que le passage de chacun différera de celui des autres. Certains y passeront comme l'éclair, d'autres comme un clin d'œil, d'autres encore comme le vent, d'autres comme un chameau, d'autres en courant, d'autres en marchant et d'autres encore en rampant. Certains parmi eux seront sauvés, mais égratignés, et d'autres jetés en enfer. Que le serviteur voit donc son passage sur ce chemin-là, donc dans cette vie d'ici-bas, le chemin qu'il emprunte, en fonction de son passage sur celui-ci, donc, ou plutôt, excusez-moi, que le serviteur voit donc son passage, ce chemin là-bas, donc dans l'au-delà, sur As-Sirat, en fonction de son passage sur celui-ci, donc dans ce bas monde, et qu'il sache que ces deux passages-là se ressemblent. Et Ibn al-Qayyim a donné l'image donc des plumes d'une flèche qui sont toutes similaires. Que le serviteur voit donc son passage sur ce chemin-là, donc dans l'au-delà, en fonction de son passage sur celui-ci dans ce bas monde. Comme se ressemblent les plumes d'une flèche. Et ce, comme rétribution équitable. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, هَلْ تُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. N'êtes-vous pas uniquement rétribué selon ce que vous œuvriez? Il a également dit, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qu'il prenne donc garde aux ambiguïtés et aux passions qui l'empêchent d'aller sur ce droit chemin, car les crochets qui sont de part et d'autre, de sirat, le hap, et l'empêchent de passer dessus. S'ils sont nombreux et forts ici-bas, eh bien, ils le seront également là-bas, dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Ton Seigneur cependant n'est point injuste envers les serviteurs. Neuvième règle, principe, concernant le principe de l'istiqama, concernant donc question de l'istiqama, de la droiture, c'est de savoir que les obstacles à la droiture sont les ambiguïtés ainsi que les tentations trompeuses. Quelle est la différence entre une ambiguïté et une tentation? Alors il faut savoir que la tentation a trait à l'œuvre, aux actions, et la tentation va venir corrompre l'œuvre du serviteur, va venir corrompre son action. Tandis que l'ambiguïté est liée à la connaissance, étant également donc à la corrompre. Donc aussi bien la tentation que l'ambiguïté corrompent le cheminement de l'être humain. Quant aux tentations, ça concerne l'œuvre et les actions. Quant à l'ambiguïté, ça concerne la connaissance. L'ambiguïté, en arabe shubha, c'est quelque chose qui ressemble à la vérité. Mais qui est du faux. Elle vient donc ressembler à l'ambiguïté, la personne la considère. Elle vient donc ressembler à la vérité, la personne la considère donc comme étant de la vérité, alors qu'en vérité, c'est du faux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-An'am, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous en égareraient. Et il a été rapporté de Ibn Mas'ud, comme c'est le cas dans le Musnad de l'imam Ahmed, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé aux compagnons un trait en disant: ceci c'est le chemin d'Allah. Puis il a tracé de part et d'autre de ce trait-là, donc à droite et à gauche de ce trait-là, de ce long trait, il a tracé des petits traits. Et il a dit: et ceux-là sont des sentiers. Et à la tête de chacun de ces sentiers, il y a un diable qui y appelle. Puis il a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et ceci est ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous en égareraient. Ici, il est important de noter concernant ce hadith, et il est important que le musulman garde ça à l'esprit. Le musulman qui cherche à suivre la sunna, qui cherche à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé ce trait, et c'est un long trait, et que les traits qu'il a tracés de part et d'autre sont des petits traits. Le long trait, c'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le chemin de la sunna. C'est donc un chemin qui implique des efforts. Continuels. À court, moyen et long terme. Même si parfois le résultat ne peut se faire ressentir que plus tard. Tandis que ces petits chemins, de part et d'autre, présentent des résultats immédiats, mais en vérité ne sont que des chemins de l'égarement. Donc cela nous incite, nous autres musulmans, qui cherchons autant que faire se peut à suivre la sunna, ça implique de notre part des efforts. Ça implique de notre part des efforts. Également, il faut savoir que, concernant ce hadith, que l'appel du diable qu'on a pu mentionner, étant donné qu'on a dit qu'à la tête de chacun de ces sentiers, il y a un diable qui y appelle, il faut savoir que cet appel-là concerne aussi bien les ambiguïtés que les tentations. Et nous avons déjà expliqué la différence entre l'ambiguïté et la tentation. Une question se pose: qui le diable vise-t-il par les ambiguïtés et qui vise-t-il par les tentations? En vérité, lorsque le diable voit du serviteur de la négligence, il va lui faire aimer les tentations afin de le corrompre et de le pervertir. Tandis que s'il voit de lui du sérieux et des efforts dans le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va embellir à ses yeux certaines ambiguïtés. Parmi les salafs, il y en avait qui disaient que Allah n'a pas ordonné une chose sans que le diable n'y trouve deux incitations, soit vers la négligence et le manquement, soit vers l'excès et l'exagération, et il ne se soucie guère par laquelle des deux incitations il arrivera à son but et il réussira. Il faut savoir également que peu sont ceux qui restent fermes sur la voie sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous montre donc l'importance que nous devons accorder à l'apprentissage de la voie ou des caractéristiques de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et également le fait d'insister dans la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous y raffermisse. Nous terminerons, Inch'Allah. J'aurais préféré terminer aujourd'hui, mais ça ne sera pas possible. Nous terminerons, Inch'Allah, ce 9e principe la prochaine fois. Et nous achèverons la lecture et le résumé donc de ces 10 règles et principes relatifs à la droiture. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.